J'ai un ressort de cassé, j'arrive plus à me remonter. Où est donc mon énergie? Mon rôle doit être fini. Dormir à point fermé, dormir en bras de Morphée, dormir de mes deux yeux, voilà ce que je veux. Avant j'avais pas de problème, je connaissais même pas la flemme. Maintenant lever le petit doigt, non même ça j'y arrive pas. Dormir à point fermé, dormir en bras de Morphée, dormir de mes deux yeux, voilà ce que je veux. Peut-être des minéraux, je ne pense plus qu'à mon dodo. J'ai cassé mon vieux réveil, je me paye une cure de sommeil. Dormir à point fermé, dormir au bras de Morphée, dormir de mes deux yeux, voilà ce que je veux. Je suis la belle au bois dormant et je ne veux pas de prince charmant. Laissez-moi mon oreiller, fichez-moi le camp s'il vous plaît.